Chères auditrices, chers auditeurs, électrices, électeurs, ben oui, voilà, vous êtes à l'écoute de RGM, anciennement Radio Trait d'Union, hein. Première émission pendant quelques temps, au début, c'était Le Chiffon Rouge, et oui, c'était une drôle de radio qui annonçait la couleur, hein, nom de nom. Oh, mais ça a changé depuis, on a vieilli. Alors, le calendrier des esclavages et des libérations. Alors, ce soir, eh bien, voilà, il photographie les manifestations en France depuis 7 ans. Livre de Éric Vuillard, Ordre du jour, premier prix Goncourt en 2017. Femme de Cédric Chouvia, l'arme nucléaire en mer sous-marin vigilant. Coluche, le chômage et la politique. Coluche, qui était un comique, il osait parler du chômage. Eh oui, le chômage et la politique. Eh oui, il faudrait que le chômage mette en faillite les politiques, que l'intelligence artificielle arrive, et puis qu'on découvre que l'intelligence artificielle, elle peut remplacer les deux tiers du gouvernement, les trois quarts de l'Assemblée nationale, les trois quarts du Sénat et les trois quarts des administrations un peu partout. Voilà. Ça ferait des gens qu'on pourrait mettre au chômage, tout ça. Hein? Oui, l'intelligence artificielle, elle ferait des miracles. Elle. Alors, voilà. L'arme nucléaire en mer, le sous-marin vigilant, Coqueluche, le chômage et la politique, Jean-Yann, je fais tout ce que la télévision me conseille. Ah! Quand même, hein, vous voyez, hein, je fais tout ce que la télévision me conseille, disait-il. Jean-Yann, qui chante Si tu t'en irais, hein. Ensuite, SUV, Jean-Yann, non, Fernand Reynaud, l'étranger, Aïssat El Ayo, Légion étrangère, Lily Marlène,

Quand j'ai pris ma première carte de presse, j'avais acheté un brassard avec, un brassard de presse que je n'avais jamais utilisé, jamais sorti. Et c'est à partir de 2016 que j'ai commencé à devoir presque afficher par moment que je suis journaliste. Donc j'ai vu qu'il y avait un rapport de Amnesty International qui disait qu'il y avait 40 000 manifestants qui avaient été arrêtés abusivement pendant les mouvements des Gilets jaunes. Ce chiffre ne m'étonne pas trop puisque c'est évidemment un moyen de pression sur les personnes qui luttent parce que pour elles c'est des amendes aussi, c'est psychologique, c'est une forme de pression. Naturellement je photographie des manifestations aussi parce que j'ai un savoir-faire de terrain en quelque sorte. Donc sur comment se déplacer, comment aller à quel endroit, comment couvrir complètement un événement, donc avoir à la fois des vues larges, se rapprocher des gens, être à l'aise avec les gens aussi. Alors dans cette photo qui est une marche de la jeunesse pour le climat, je sens qu'il y a quelque chose qui se porte, qui peut pas vraiment se porter individuellement non plus pour le coup. Ça pourrait être très dépressif, très déprimant, et en fait ce qui est intéressant c'est que quand même face à une telle catastrophe qui s'annonce, il y a ce possible de changement. Alors c'est bizarre, hein, mais presque une joie de sentir qu'ils sont ensemble et qu'il y a ce possible qui apparaît. Le côté positif de la manif, c'est le côté foule, et cette foule est quelque chose qui porte en fait les espoirs, les aspirations. C'est-à-dire que seul dans son coin, on finit par se fatiguer et à plusieurs, deux coups de fatigue est pris en charge par les autres et puis il y a la motivation commune qui amène plus d'énergie. Selon les manifestations, selon le propos porté et selon ce à quoi la manifestation réagit, se peut qu'elle porte un message plus de solidarité internationale ou de qui dépasse les frontières. Donc il y a l'exemple des manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd, ce qu'on pourrait voir en France par rapport à Naël en ce moment. En tant que photographe, j'ai été amené juste après le confinement à aller sur une manifestation, un rassemblement prévu à l'origine pour Adama. Du fait qu'il y avait eu cet événement aux États-Unis, en fait, il y a eu plusieurs milliers de personnes qui étaient là. C'était pas loin de 20 000, il me semble, dans mon souvenir. Et donc, une solidarité internationale et un message lié au Black Lives Matter qui était relayé aux États-Unis, mais en Europe, mais un petit peu partout. Sans la manif, cet élan ne serait pas porté. Et que si cet élan n'est pas porté, il n'existe plus, il n'existe pas. Rien que le fait d'amener l'existence de la cause et de la faire savoir et de la faire, et que d'autres personnes puissent s'y intégrer, s'y rallier, fait que finalement, la société va changer. Enfin, je l'espère en tout cas. Le premier qui dit se trouve toujours sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. On lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme que l'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle et plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, tous tes témoins ont disparu. Encore ils se taisent, ils sont morts les 13. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. s'enivrait de discours, pas de vin. Rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule sans tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus qui un jour ont dit non, dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux ni de leurs noms. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce soir avec vous, j'ai enfin la règle du jeu. J'ai enfreint la règle des moineaux, des aigles. Vous avez très peur pour moi, car vous savez que je risque vos murmures, vos tomates mûres. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Ma chanson a dit la vérité, vous allez m'exécuter. Je vous propose la lecture d'un livre qui a pour titre L'Ordre du Jour, qui a été écrit par Éric Vuillard et pour lequel il a reçu le prix Goncourt en 2017. L'Ordre du Jour. Une réunion secrète. Le soleil est un astre froid, son cœur des épines de glace. Sa lumière sans pardon. En février, les arbres sont morts, la rivière pétrifiée, comme si la source ne vomissait plus d'eau et que la mer ne pouvait en avaler davantage. Le temps se fige, le matin, pas un bruit, pas un chant d'oiseau, rien. Puis une automobile, une autre, et soudain des pas, des silhouettes qu'on ne peut pas voir. Le régisseur a frappé trois coups, mais le rideau ne s'est pas levé. Nous sommes un lundi. La ville remue derrière son écran de brouillard. Les gens se rendent au travail comme les autres jours. Ils prennent le tram, l'autobus, se faufilent vers l'impérial, puis rêvassent dans le grand froid. Mais le 20 février de cette année-là ne fut pas une date comme les autres. Pourtant, la plupart passèrent leur matinée à bûcher, plongés dans ce grand mensonge décent du travail, avec ses petits gestes, où se concentre une vérité muette, convenable, et où toute l'épopée de notre existence se résume en une pantomime diligente. La journée s'écroula ainsi, paisible, normale. Et pendant que chacun faisait la navette entre la maison et l'usine, entre le marché et la petite cour où l'on pend le linge, puis le soir, entre le bureau et le troquet, et enfin rentrer chez soi bien loin du travail décent, bien loin de la vie familière, au bord de l'Achepré, des messieurs sortaient de voiture devant un palais. On leur ouvrit obséquieusement la portière, ils descendirent de leur grosse berline noire et défilèrent l'un après l'autre sous les lourdes colonnes de grès. Ils étaient 24 près des arbres morts de la rive, 24 par-dessus noirs, marron ou cognac, 24 paires d'épaules rabourrées de laine, 24 costumes, 3 pièces, et le même nombre de pantalons à pinces avec un large ourlet. Les ombres pénétrèrent le grand vestibule du palais du président de l'Assemblée. Mais bientôt, il n'y aura plus d'Assemblée. Il n'y aura plus de président. Et dans quelques années, il n'y aura même plus de Parlement. Seulement un amas de décombres fumants. Pour le moment, on dévisse 24 chapeaux de feutre et l'on découvre 24 crânes chauves ou des couronnes de cheveux blancs. On se serre dignement la main avant de monter sur scène. Les vénérables patriciens sont là, dans le vestibule. Ils échangent des propos badins, respectables. On croirait assister aux prémices un peu guindées d'une garden party. Les 24 silhouettes franchirent consciencieusement une première volée de marches, puis avalèrent un à un les degrés de l'escadrin, en s'arrêtant parfois pour ne pas surmener leur vieux cœur. Et la main cramponnée à la tringle de cuivre, ils grimpèrent, les yeux mi-clos, sans admirer l'élégant balustre ni les voûtes, comme sur un tas d'invisibles feuilles mortes. On les guida par la petite entrée vers la droite, et là, après quelques pas sur le sol en damier, ils escaladèrent la trentaine de marches qui mènent au deuxième étage. J'ignore qui était le premier de cordée, et peu importe au fond, puisque les 24 durent faire exactement la même chose, suivre le même chemin, tourner à droite, autour de la cage d'escalier, et enfin sur leur gauche. Les portes battantes étant grandes ouvertes, ils étaient entrés dans le salon. La littérature permet tout, dit-on. Je pourrais donc les faire tourner à l'infini dans l'escalier de Penrose. Jamais ils ne pourraient plus descendre ni monter, ils feraient toujours en même temps l'un et l'autre. Et en réalité, c'est un peu l'effet que nous font les livres. Le temps des mots, compact ou liquide, impénétrable ou touffu, dense, étiré, granuleux, pétrifie les mouvements. Méduse. Nos personnages sont dans le palais pour toujours, comme dans un château ensorcelé. Les voici foudroyés dès l'entrée, lapidifiés, transis. Les portes sont en même temps ouvertes et fermées, les impostes usées, arrachées, détruites ou repeintes. La cage d'escalier brille, mais elle est vide. Le lustre scintille, mais il est mort. Nous sommes à la fois partout dans le temps. Ainsi, Albert Vögler monta les marches jusqu'au premier palier, et là, il porta la main à son faux col, transpirant, dégoulinant même, éprouvant un léger vertige. Sous le gros lampion doré qui éclaire les volets de marche, il rajuste son gilet, défait un bouton, échancre son faux col. Peut-être que Gustav Krupp, fit une halte sur le palier, lui aussi, et lança un mot de compassion à Albert. Un petit apophthème sur la vieillesse, enfin bref, fit montre de solidarité. Puis Gustav prit sa route et Albert Vögler resta là quelques instants, seul, sous le lustre. Grand végétal plaqué or, avec au milieu une énorme boule de lumière. Enfin, ils pénétrèrent dans le petit salon. Wolf Dietrich, secrétaire particulier de Karl von Siemens. Dietrich Siemens lambina un moment près de la porte-fenêtre, laissant traînailler son regard sur la mince couche de givre recouvrant le balcon. Il échappe un instant à la basse cuisine du monde, entre les balles de coton flanochant, et tandis que les autres parlotent aigris un Monte Cristo, piapiatant sur la crème ou le taupe de sa cape, préférant qui la saveur moelleuse, qui un goût épicé, tous adeptes des diamètres énormes, os à gigot, esquichant distraitement les bagues dorées à leur fin, lui, Wolf Dietrich, rêvasse devant la fenêtre, on doit entre les branches nues et qui flottent sur la spray. À quelques pas, admirant les délicates figurines de plâtre qui ornent le plafond, Wilhelm von Oppel relève et rabaisse les grosses lunettes rondes. Encore un dans la famille s'était lancé vers nous depuis le fond des âges, depuis le petit propriétaire terrien de la paroisse de Braubach, de promotion en amoncellement de robes et de faisceaux, de closeries et de charges. Magistrat d'abord, puis bourgmestre, jusqu'à l'instant où Adam, suivi des entrailles indéchiffrables de sa mère, sorti des entrailles indéchiffrables de sa mère, pardon, puis ayant assimilé toutes les astuces de la serrurerie, avait conçu une merveilleuse machine à coudre qui fut le commencement véritable de leur rayonnement. Pourtant, il n'inventa rien. Il se fit embaucher chez un fabricant, observa, fit le gros dos, puis il améliora un peu les modèles. Il épousa Sophie Scheller, qui lui apporta une dot substantielle et donna le nom de sa femme à sa première machine. La production ne fit alors qu'augmenter. Il suffit de quelques années pour que la machine à coudre atteigne à son usage, pour qu'elle rejoigne la courbe du temps et s'intègre aux mœurs des hommes. Ces véritables inventeurs étaient venus trop tôt. Une fois assuré le succès de ces machines à coudre, Adam Oppel s'était lancé dans le vélocipède. Mais une nuit, une voix étrange se glissa par l'entrebâillement de la porte. Son propre cœur lui parut froid, si froid. Ce n'étaient pas les inventeurs de la machine à coudre qui commandaient des royalties. Ce n'étaient pas ces ouvriers qui revendiquaient leur part des bénéfices. C'était Dieu qui réclamait son âme. Il fallut bien la rendre. Mais les entreprises ne meurent pas comme les hommes. Ce sont des corps mystiques qui ne périssent jamais. La marque Opel continua de vendre des bicyclettes, puis des automobiles. La firme comptait déjà 1500 employés à la mort de son fondateur. Elle ne fit que croître. Une entreprise est une personne dont tout le sang remonte à la tête. On appelle cela une personne morale. Ainsi, ce 20 février, au Wilhelm, médite dans le petit salon du palais du président du Reichstag, la compagnie Opel est déjà une vieille dame. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un empire dans un autre empire et elle n'a plus qu'un très lointain rapport avec les machines à coudre du vieil Adam. Et si la compagnie Opel est une vieille dame très riche, elle est toutefois si vieille qu'on ne la remarque presque plus. Elle fait désormais partie du paysage. C'est qu'à présent, la compagnie Opel est bien plus vieille que de nombreux États, plus vieille que le Liban, plus vieille que l'Allemagne même, plus vieille que la plupart des États d'Afrique, plus vieille que le Bhoutan, où les dieux sont pourtant allés se perdre dans les nuages. Je voudrais célébrer l'un des maux qui accable nos villages mourants. C'est le petit notable, il est maire ou patron, conseiller général, ou les trois à la fois, c'est en France banal. Il est petit, petit, dans tous les sens du terme. Il est vieux, avec tout ce que ce mot renferme. De rance et renfermé, gros ou maigre, il est gras. Rien par où l'attraper, il glisse entre les doigts. Je voudrais exprimer ma satisfaction. Tels sont les premiers mots en toutes occasions. Tout meurt autour de lui, les jeunes sont partis, les usines ont fermé, tout va très bien pour lui.

Ah, très bien. Donc, il n'a pas été menotté, il n'a pas subi d'étranglement ou quoi que ce soit. Non, non, non, pas du tout. On ne l'a pas touché. Votre mari, vous savez, il était très énervé. On n'a pas compris pourquoi. Très insultant. Et donc, je lui demande pour quelle raison il a été interpellé. C'est parce que sa plaque d'immatriculation était un peu sale. Mot pour mot. Donc, vous imaginez l'état dans lequel je suis aujourd'hui quand je vois la vidéo, je me dis que ces gens-là m'ont menti. Et pourquoi est-ce qu'ils m'ont menti? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et en me donnant ces explications, pour me rassurer, et c'est justement ce qui m'a beaucoup inquiété, c'est que la dame me dit, par contre, je suis témoin, les policiers ont fait du mieux qu'ils pouvaient, ils ont fait tout ce qu'il était en leur pouvoir, ils ont procédé à un massage cardiaque. Et là, quand ces deux mots ont retenti dans mes oreilles, massage cardiaque, là, à ce moment-là, j'avais plus le temps pour eux. Et là, c'est eux qui me demandent de rester. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous nous laisser vos coordonnées, car vous allez être contactée par l'IGPN. Donc je me rends à l'hôpital Georges Pompidou. On m'invite à me rendre au service de réanimation. Plutôt qu'être inquiète, je suis plutôt rassurée. Service réanimation, je vais voir mon mari, il va m'expliquer ce qui s'est passé. Et puis voilà, on va rentrer à la maison, tranquillement, et la vie suit son cours. Sauf que non. Il y a une chambre ouverte avec mon mari qui est allongé. Je vois pas son visage, je vois que ses jambes. Je reconnais ses pieds, au loin, et je suis rassurée. Je vois pas sa tête, mais je suis rassurée. Il est bien entouré, il y a 4-5 médecins autour de lui. Et il y a un médecin qui m'aperçoit et qui se rend vers moi. Elle demande la clé d'une pièce. Vous savez, la pièce où est-ce qu'on vous annonce les mauvaises nouvelles. Elle m'accompagne, on s'assied. Et là, ses premiers mots, ça a été ça. Je tiens à vous dire qu'on est très, très, très, très, très pessimiste sur l'état de santé de votre mari. Pour des raisons qu'on ignore, il a fait un arrêt cardiaque. Son état est critique. Je ne peux rien vous garantir. Il faut vous préparer au pire. Si vous avez des enfants, s'il a ses parents, il faut appeler tout le monde. Et là, elle m'explique qu'il est sous assistante respiratoire, que son cerveau et son cœur n'ont pas été oxygénés pendant un laps de temps qui peut nous paraître très court, nous, c'est-à-dire une minute peut-être. C'est ce qu'elle m'a dit, une minute. Mais ça suffit. Ça suffit pour causer ces dégâts irréversibles. Je lui dis donc, si je comprends bien, si on débranche tout ce que vous avez mis en place, il nous quitte. Et elle me confirme que oui. En fait, après 48 heures, je ne sais plus, j'ai plus la notion du temps, je ne sais plus combien de temps on a attendu à son chevet. On est là devant ce fichu appareil et on suit les battements de cœur jusqu'à ce que son cœur s'arrête. On est là devant cette machine à la regarder, à attendre qu'il parte en paix. Et là, à ce moment-là, c'est fini. À ce moment-là, c'est le chaos. C'est possible qu'il ait perdu son sang-froid. C'est aussi possible qu'il y ait eu de l'excès de zèle de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Qu'il s'est senti indigné, qu'il s'est senti oppressé. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Mais à la finale, ce qu'on retiendra, c'est l'acheminement, c'est une plaque un peu sale et une veuve, 5 orphelins. Quand je repense à ce qu'on m'a dit, et à ce qui s'est réellement passé déjà, alors qu'on n'a pas encore les conclusions de l'enquête, mais avec l'autopsie, fracture du larynx, imaginez la violence, l'acharnement. Il faut vraiment que la justice réagisse, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que le gouvernement se dise, mais mince, là, en fin de compte, la population est en danger. On a entendu parler de l'état d'urgence. Ben, là, pareil, c'est une urgence. C'est une urgence nationale, c'est une urgence républicaine. J'espère que le fin mot de l'histoire, c'est que après l'enquête, après le jugement, après tout ce qu'il y a lieu de faire, on pourra enfin mettre terme à cette technique que personne ne maîtrise et qui est bien souvent malheureusement utilisée à tort et qui est bien souvent disproportionnée par rapport au cas de figure. Cette technique du plaquage ventral et de l'étranglement qui est interdite, je vous le rappelle, dans pas mal de pays et qu'on pourra suivre ce bon chemin et prendre exemple sur ces pays et y mettre un terme définitivement et voilà. Thank you. Nous sommes à l'extrémité de la pointe bretonne. C'est ici que se cache le secret le mieux gardé de France. Juste en face de la rade de Brest, l'île Longue, le site militaire le plus confidentiel de l'armée française. C'est la base des quatre sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Parmi ces quatre navires, le Vigilant, fleuron de la marine. Au petit matin, il se prépare à une plongée dans les profondeurs de l'Atlantique. Pour la première fois, 110 sous-mariniers vont former un nouvel équipage. Parmi eux, 30% de nouvelles recrues. Ils n'ont jamais navigué ensemble, mais ils vont devoir s'unir dans un même objectif. Pointe en premier, ok, on prend la pointe. Sur la Samar. Prouver qu'ils sont capables de prendre les commandes de ce navire de guerre. Tout commence par l'appareillage du bâtiment. Pour déplacer ce sous-marin de 138 mètres de long, ils sont plus de 20 marins à la manœuvre. Attention à manœuvrer. Sans l'aide des pousseurs, ce navire si redouté sous les mers est quasiment impuissant en surface. À chaque sortie, il est accompagné d'une imposante escorte. Hélicoptères, frégates de la marine nationale sont sur le pied de guerre. Il faut à tout prix protéger ce bijou de technologie de plus de 8 milliards d'euros. Le pilier de la défense militaire française. Allez les gars, on y va. Bonjour. De plage avant, 102, largué. C'est le grand moment. Le sous-marin prend enfin sa liberté pour retrouver les hauts fonds. Ça y est, on est autonome là. On a notre propulsion, pareil pour la grande mer. Cette grande mer, ils en ont tous rêvé. Ils ont une semaine pour convaincre, une semaine d'entraînement où ils vont devoir prouver qu'ils sont aptes à conduire et à assurer la sécurité d'un tel bâtiment. Pour tous les sous-mariniers, c'est un sentiment exaltant où se mêlent puissance et désarroi. Au sommet du massif, perché à 20 mètres au-dessus de la mer, le capitaine de vaisseau Burin-des-Rosiers, 47 ans, 16 ans de marine au compteur. C'est le commandant, le pacha, comme on dit dans la marine. Il est le seul maître à bord. Ces 7 jours sont cruciaux, car c'est avec ce nouvel équipage qu'il embarquera pour une nouvelle mission de 3 mois. Les anglo-saxons appellent les sous-mariniers le silent service. Pas de bruit, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne parle jamais de ce qu'on fait. Voilà, mais on est toujours là, tapis dans les profondeurs. Qu'un seulement là-bas. Les marins sont rappelés par le pacha. Leur sort est scellé. Sauf urgence, ils n'auront plus aucun contact avec leur état-major, leur famille, leurs proches. Ils vont être livrés à eux-mêmes pendant la durée de l'entraînement. Avant de plonger dans les abysses de l'océan, le vigilant doit encore naviguer en surface. Le temps de quitter le plateau continental. C'est parti pour la plus belle aventure de leur carrière. Une aventure humaine, technique et opérationnelle extraordinaire. Le sas d'étanchéité se referme et il ne se rouvrira qu'une fois la qualification des 110 marins acquise. Dans le ventre de ce monstre d'acier, c'est une véritable ville qui prend vie sous les mers. Un labyrinthe de corridors où tout sous-marinier doit très vite apprendre à se faufiler entre les centaines de câbles, de tuyaux et de moteurs qui alimentent les 70 000 équipements. Plus de 30 métiers sont nécessaires à son bon fonctionnement. Un univers incroyable et confiné divisé en 3 zones. Dans la zone arrière, démarrer les convertisseurs de brassage en zone arrière, merci. À l'arrière, une centrale nucléaire assure la propulsion et produit également l'électricité, l'eau potable et l'oxygène. Au centre, les 2 salles de tir et ses 16 missiles nucléaires. Et à l'avant, l'espace de vie, 400 mètres carrés divisé en 3 ponts, où les 110 marins vivent, mangent et dorment. Mais le cœur du sous-marin, c'est le centre opérationnel. Une pièce de 50 mètres carrés, où se relaient H24 une quinzaine d'ingénieurs, analystes, mécaniciens et pilotes. C'est la salle de commandement. Depuis 2 ans, l'équipage du Vigilant est le seul des forces sous-marines à intégrer des officiers féminins. Une révolution pour l'élite de la marine. Allez, je remonte 70 mètres. On regarde si on le récupère en remontant à 70 mètres. 2 bravo 2 à la système. Relevé dans le 2, tap 6 de Alpha 1. Thank you. Cette semaine, tous vont être notés, jugés, collectivement ou individuellement. Une pression supplémentaire pour les 30% de jeunes qui intègrent ce nouvel équipage. Ils ont tout approuvé, tout comme Damien. Allez, c'est parti. Il est un des jeunes pilotes. Il a passé 3 mois en formation inter, ce qui représente plus d'une centaine d'heures sur simulateur, mais sans jamais voir la mer. La tension est palpable. C'est le grand jour pour lui, son premier test. Tu la relèves ? Il s'apprête à piloter un sous-marin pour la première fois en grandeur réelle, un baptême à la mer. Actuellement, on dirige les machines. Bien sûr. La première étape pour Damien, c'est de prendre connaissance des réglages actuels du sous-marin. C'est bon pour toi. Okay, ouais. Ça marche, mètre de centrale. Oui. On effectue la relève de barre. Pour cela, il doit se rapprocher de Cyril, le référent, qui pilote le bâtiment depuis 4 heures. Bon cas. Merci. Second mètre à la barre, immersion 11 mètres. Vitesse log 2-6, nous sommes en route au 2-1-4. Pression sur règle. On se règle. Le jeune second maître est seul aux commandes et pour la première fois de sa carrière, au bout de ses doigts, le bâtiment de guerre le plus perfectionné de la marine. Pour eux, c'est quand même une période où les gens sont testés, hein, globalement. Donc effectivement, il y a des remises en jeu de leur qualification, une évaluation. Donc c'est une certaine pression quand même. La pression est d'autant plus forte que l'exercice se fait sous le regard du pacha et du second. Damien prend toute la mesure de ses responsabilités. On a quand même pas mal de choses derrière le manche. Bah, c'est très gros, c'est... même si c'est très lourd, on sent quand même qu'il est très sensible à la mer. Et que derrière, il y a 120 personnes et qu'il faut assurer. Hein. De centrale, c'est bon pour tous les panneaux. Pour assurer, il peut compter sur le maître Pascal, son supérieur. Ah ben pour lui, oui, c'est sa première, donc forcément, ça va lui laisser des souvenirs. Hein. Mais non, il s'en sort bien. Comment tu vis ça, toi, Damien ? C'est la vraie houle. Hein. On sent qu'il y a quelque chose derrière, quand même. Ouais, hein. C'est un peu mieux que le simulateur. Tout à fait. Hein. Malgré sa jeune expérience, Damien ne laisse rien passer. Il est tellement concentré qu'il repère très vite que le sous-marin est en train de dévier de sa trajectoire. Le bâtiment a du mal à garder le cap de 205 degrés fixé par le commandant. Mètre de centrale ? Oui. Je repasse en manuel sur la barre de dire pour aller le cap. Ah oui, là. On dévie. Il doit 10 à droite, vas-y. Passe en manu, tu mets à droite 20, à gauche 20 pour donner l'impulsion. Je suis à gauche 20. Ouais. On a du mal à tenir, il y a pas mal de courant et ça bouge pas. Pour remettre le vigilant sur son cap, Damien passe en manuel et se retrouve seul aux commandes. Pour lui, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Je crois que moi, j'étais déjà marin dans le civil avant. Mais mon grand-oncle était marin dans la Royale il y a 40 ans. Ouais. Et on a discuté pendant quelques temps. C'est pour ça que je pense que je suis rentré dans la Marine nationale. Ouais. Le premier défi est relevé pour le jeune pilote. Sous les yeux de la division entraînement, il marque des points, mais rien n'est gagné. Le plus dur reste à venir. Le vigilant a quitté les côtes bretonnes. Le sous-marin arrive dans la zone des hauts fonds de l'Atlantique. Dans quelques minutes, il va plonger, se diluer dans les abysses et devenir indétectable. Le pacha Burin des Rosiers prend les commandes de cette manœuvre délicate et rappelle tous les marins les plus expérimentés à leur poste. À la première plongée, tout le monde va venir voir comment le bateau plonge, comment il arrive à le maintenir, à bien le stabiliser, parce qu'il y aura un peu de mer, donc ça va être assez sportif. La plongée ne se fait pas à la puissance du moteur nucléaire, mais à la quantité d'eau que le sous-marin absorbe dans ses réservoirs placés à l'avant et à l'arrière. Le vigilant va passer en moins de 5 minutes, de 10 000 à 14 000 tonnes, ce qui va lui permettre de rejoindre les profondeurs. Tout le centre opérationnel est mobilisé. La concentration se lit sur tous les visages. La réussite de cette manœuvre repose sur le travail de plus de 20 marins. Et même s'ils ont tous de l'expérience, chaque étape de cette opération va être jugée et comptée pour leur note finale. Chacun notre tour, en fait, on a notre moment, et puis bah là, la prise de plongée, c'est bien. C'est à ce moment-là que je peux briller en quelque sorte. Pendant nous sommes parés à plonger. Ok, bah, dès que c'est clair pour toi, tu donnes l'alerte. Tu descends à 23 mètres, tu balanceras le bateau deux fois jusqu'à 35 mètres. Très bien. Mètre de centrale. Oui. Avant 3 huit nœuds. Reçu, machin avant 3 huit nœuds. Début de plongée. Début de plongée, chef de quart. Attention, ça va plonger. La manœuvre se déroule sous le regard attentif de Damien. C'est la première plongée de sa carrière. L'immersion du bâtiment déclenche une course contre la montre. La pression va devenir de plus en plus forte tout le long des 138 mètres de la coque et les risques sont nombreux. Dans les coursives, les mécaniciens se précipitent aux quatre coins du bâtiment pour vérifier que les orifices du sous-marin résistent bien. Étanche au HP3, tu peux lancer les assèchements. Ils connaissent tous les recoins et dans un temps record, ils se hissent entre les tuyaux et les moteurs à la recherche de la moindre voie d'eau qui mettrait en péril la mission. Alors en fait, on vient de changer l'immersion et à tous les paliers de 50 mètres, on vérifie que le bateau est bien étanche, qu'on n'embarque pas d'eau. Donc on se dépêche pour voir si on a bien l'intégrité de la coque. Bâtiment étanche, chef de quart. Bien. Lorsque le sous-marin plonge, il disparaît immédiatement des radars. Tapis dans les profondeurs, il devient une arme redoutable et indétectable. Le vigilant est capable de tirer ses missiles et atteindre une cible à plus de 9000 km sans que personne ne sache où il se trouve. Une force de frappe qui est la clé de la stratégie nucléaire française. Tout le monde, non. Tout le monde sait que la France dispose d'une arme de dissuasion nucléaire et qu'elle a les moyens de l'employer. Alors, il peut y avoir une interrogation sur les conditions, à quel moment, quand est-ce que serait franchie la ligne rouge, mais on n'a heureusement pas été dans cette situation. Si on l'a pas été, c'est peut-être grâce au fait qu'on l'a. Personne ne sait où on est, ni en France, ni à l'étranger. En France, un peu plus, parce que les zones qui nous sont attribuées par l'état-major français, des forces sous-marines, mais qui ne sait pas lui-même, dans des zones qui sont gigantesques, il ne sait pas lui-même où nous nous trouvons. Les hauts fonds de l'Atlantique sont le théâtre d'une semaine de tests intensifs. Cela fait plus d'une dizaine d'années que l'entraînement à la mer s'est professionnalisé. L'évolution des technologies pousse tous les équipages à se perfectionner. Un monstre des mers, aussi sophistiqué que dangereux. Bras-le-bas. À bord d'un sous-marin, ce mot sonne le réveil des membres de l'équipage. Bonjour Rubin, ça va? Messieurs, bonjour, bras-le-bas. Allez, bonne journée. Messieurs, bonjour, branle-bas. 7 heures du matin, l'équipage se met en action. La mission peut commencer. Les 110 marins vont avoir 168 heures pour se qualifier et prouver qu'ils ont tous leur place à bord. Au centre opérationnel, Maxime est le chef de la division entraînement. Entouré de ses deux adjoints, il déclenche le premier exercice, chronomètre en main. Un scénario qui va mettre l'équipage à rude épreuve. L'entraînement se décompose en deux parties. Il y a un entraînement à terre sur simulateur, mais qui est nécessaire, mais pas suffisant. L'intégration se fait à la mer avec tous les postes de quart qui sont armés. Et effectivement, on évalue leur capacité à conduire et à naviguer en sécurité et à assurer la mission. Les postes de quart sont ceux qui se relaient par tranche de 4 heures H24 pour permettre aux sous-marins de ne jamais s'arrêter. Eux et tout l'équipage seront notés sur leur réactivité lors de ce test. Au poste de combat, au poste de combat. Pour exercice, on a reçu un choc sur bâbord. Pour exercice, on a reçu un choc sur bâbord. Ils ont 3 minutes pour s'équiper. Ils vont être évalués sur leur capacité à faire face rapidement aux différentes situations. La division entraînement a un but, chronométrer leurs chances de survie. Poste sécurité, interrogation, disposez-vous. Dès l'alerte, tous les hommes se mobilisent et courent vers les équipements d'intervention. Tous, en plus de leur poste, ont reçu une formation de pompiers. Ouais, c'est bon. Une obligation quand on intègre les forces sous-marines. Au début, on ne sait pas vers quoi on va. On sait qu'il y a un incident, peut-être même un accident grave. On ne sait pas qu'est-ce que ça touche, qu'est-ce qui va tomber en panne. Est-ce que les transmissions vont marcher? Est-ce que l'électricité va marcher? Donc, on rameute toutes les équipes de sécurité, oui, bien sûr, oui. Tout le monde est taillable et corvéable, merci. Ça, c'est du matériel, ça vient de l'arrière, c'est bon, ça. Fais passer, là. Pour cet exercice de qualification, les trois entraîneurs ont imaginé le scénario le plus redouté des sous-mariniers. L'incendie. Il simule un court-circuit qui a déclenché un feu dans une des coursives. Allez, on y va, les gars. Les fumées dans cet environnement clos peuvent se propager rapidement et asphyxier tous les hommes. Comme en 2017, où la marine argentine a perdu un de ses sous-marins et ses 44 membres d'équipage. Je vous rappelle, la priorité, localiser le sinistre. Pour être le plus réactif, une partie des hommes s'équipe avec de simples masques pour détecter au plus vite le lieu de l'incendie. Pour respirer, ils se branchent sur le réseau d'oxygène du sous-marin. Mais les raccordements sont parfois espacés de plusieurs mètres. Et c'est en apnée qu'ils doivent progresser. Le feu a pris dans la BC-1000, une armoire informatique. Incendie sur la BC-1000. Sur la BC-1000. Température du boisson, 90 degrés. Le feu est localisé dans la partie inférieure, à côté de la salle des ogives. Dans cette situation, c'est tout le sous-marin qui se réorganise pour intervenir au plus vite, car chaque seconde compte. Un coordinateur est envoyé au plus près de la zone envahie par les fumées. C'est Nicolas, capitaine de corvette, qui reçoit les informations des pompiers sur zone. Vous avez reçu, Denis ? Répétez la dernière. Sa mission est de déterminer les dégâts et de déployer les équipes en fonction de l'ampleur du sinistre. Ça va faire 5 minutes sur zone pour l'Anquépole. D'accord, il faut une équipe de pompiers lourds. L'ordre est transmis au réfectoire à l'abri des fumées. Camille, lieutenant de vaisseau, dirige l'équipe d'appui. D'accord, tu lui mets du lourd, j'ai besoin de relève de pompiers lourds. J'en fais déjà. C'est une des trois femmes à bord qui gère la situation. En temps normal, elle est en poste au centre opérationnel. Mais en cas d'incendie, c'est à elle d'assurer les besoins de relève de pompiers ou d'extincteurs supplémentaires. Pour répondre à la demande de renfort du coordinateur, elle envoie Damien, le jeune pilote, comme pompier lourd pour poursuivre l'exercice. C'est son premier combat contre le feu. Pour ces 30% de jeunes sous-mariniers, c'est un peu plus de pression parce que déjà, ils n'ont jamais vécu de période d'entraînement. Donc déjà, c'est un peu l'inconnu pour eux. Enfin, il y a quand même un petit enjeu hein, sur certaines qualifications et certaines capacités. On les attend. Enfin, il faut qu'ils soient là, qu'ils répondent présents et qu'ils sachent avoir les bons gestes. Damien doit repérer précisément où se situe le foyer de l'incendie. Il utilise une caméra thermique pour le détecter et passer au travers des portes métalliques des armoires techniques. Il doit s'assurer que le feu ne se propage pas. Toutes les informations recueillies par le coordinateur remontent au CO, le centre opérationnel. Le chef de la division entraînement s'assure que tous analysent et trouvent les solutions pour gérer cet incendie. Coupé du reste du bâtiment, le Pacha est attentif à toutes les informations qui lui sont transmises. Avec son équipe, ils vont les analyser et anticiper les dégâts pour continuer à faire fonctionner les machines et permettre au sous-marin de poursuivre sa mission. On est clair, donc on a perdu. Qu'est-ce que t'as eu pour l'instant ? Comme avarie. Impactante. Ouais. Donc c'est principalement la perte du BC-2001. Le commandant le sait. Dans ce genre de situation, il est impératif de ne jamais perdre son sang-froid. Tout le monde peut être stressé en fonction de la somme de responsabilités. C'est là où on insiste beaucoup sur le travail en équipe. Un sous-marinier ne conduit pas en sécurité ses installations, ou on a un doute sur la façon dont il va conduire ses installations, eh bien, sa qualification peut éventuellement lui être tirée temporairement le temps de se remettre à niveau. Les façons de communiquer, de réagir, le suivi, l'interprétation des éléments qui remontent, des informations, et la façon de les transmettre aussi. L'importance du langage pour être sûr que tout soit bien compris et collationné. Dans un sous-marin, les armoires techniques sont verrouillées en permanence pour éviter tout incident. Mais en cas de problème et pour pouvoir réagir vite, elles sont toutes équipées d'une ouverture en façade. Ce qui permet à Damien de vider son extincteur et de souffler le feu. Pendant ce temps-là, à l'autre bout du sous-marin, pour mobiliser l'équipe médicale, la division entraînement durcit l'exercice. L'équipe médicale va en D212 pour prendre en charge le blessé. Le médecin, c'est Pauline, dit le doc. Les infirmiers et les brancardiers interviennent eux aussi rapidement. La difficulté dans cette situation d'urgence est de remonter le blessé deux ponts plus haut, à l'étage de l'infirmerie. C'est un pompier léger qui est tombé en fait en remontant d'être allé attaquer le feu. Il a tapé la tête, donc il va falloir vite qu'on le remonte à l'infirmerie pour faire un bilan complet. Tirez quoi ! Donnez les bons ordres ! Allez-y ! Je retire ! Le défi pour Pauline et son équipe est de faire passer le brancard dans une trappe de seulement 80 cm. Pour cela, les sous-mariniers ont développé une technique unique de cordage et de poulie. Attention à sa tête, doucement, va doucement, doucement. Allez, on peut pas, avec tout le monde, on peut pas. Maintenant, vous pouvez le récupérer. De son côté, Damien a réussi l'exercice. Pour lui, la mission incendie prend fin. Les chambrées 222, D232 ont été investiguées RAS. Le S1 sur les 3B. L'épreuve s'est déroulée avec succès. Toutes les équipes d'intervention ont respecté les bons gestes et ont su intervenir dans les temps impartis. Une maîtrise vitale quand on sait qu'ils sont seuls à plus de 300 mètres sous les mers. Malgré les apparences d'une totale réussite, au moment du débriefing, le second souligne un dysfonctionnement. Communication du second sur le débriefing du premier exercice sécurité. Donc tout d'abord, félicitations pour le dynamisme et la gestuelle, l'équipement. Tout ça, c'est très bien. Les points à améliorer. Le confinement. Les portes ont été laissées ouvertes. Donc rappelez-vous bien, le confinement, c'est essentiel pour contenir le sinistre et pour faciliter la lutte. Donc fermez les portes. L'excellence est le maître mot jusqu'au rangement de tous leurs équipements d'intervention. Maintenant, ils doivent remettre en place à l'identique les 80 extincteurs et combinaisons ignifugés. Ils sont obligés de connaître parfaitement ces emplacements. Car à tout moment, les sous-mariniers doivent être capables de les ressortir en moins de 3 minutes en cas d'urgence. Là, tu ranges ça où, là, le matériel, là ? L'infirmerie. Dans ce scénario, un tel engagement a des conséquences. Dans la rapidité, un marin s'est blessé. Il est immédiatement pris en charge à l'infirmerie. C'est 22. Ouais, c'est ça. Parfois, la réalité dépasse la fiction. Je me suis juste cogné. C'est bête, hein, mais c'est pas le plafond qui est venu à moi. C'est moi qui suis venu au plafond. Bah oui, oui, oui, on n'est jamais à l'abri, effectivement, dans le sous-marin, de se taper la tête. Donc voilà, quelques petits points de temps en temps. Mais bon, c'est des choses qu'on fait régulièrement, habituellement. Chirurgien, psychologue, dentiste, Pauline endosse toutes les casquettes. Elle est capable d'intervenir sur tout type d'incident. Une fois sous les mers, cette jeune médecin de 31 ans porte la responsabilité de la santé de tout l'équipage. Être une femme à bord d'un sous-marin, c'est d'abord être un sous-marinier. Et ça a été dur à l'entraînement de la même manière pour tout le monde. Et ça a été dur en période comme ça, d'entraînement à la mer, mais de la même manière pour tout le monde. Et on est dans un monde, effectivement, de techniciens. Et donc, ils nous ont reconnus sur notre technique, sur nos compétences, plus que sur le fait qu'on soit un homme ou une femme. Enfin, je veux dire, un médecin, encore plus un médecin. Tu suis un peu, on y va. Pauline a effectué sa première plongée en 2017. C'est l'une des trois premières femmes à avoir intégré les forces sous-marines jusqu'ici réservées aux hommes. Pendant ce temps, dans la zone de vie à l'avant du sous-marin, les hommes profitent d'un moment de répit. Il est 11h45, c'est l'heure du premier service. Le major, dit le patron, s'assure que tout est calé. Le RIA. Bon, la cuisse, on est prêt ? On va pouvoir lancer. À quelle heure on va pouvoir lancer ? Donc là, vous êtes prêt à tout moment, quoi. Ouais. Ok. Frédéric, le cuisinier que les sous-mariniers appellent la cuisse, s'active. Depuis 6 ans, il œuvre sous les mers, toujours aux petits soins pour l'équipage. Chaque jour, il prépare 220 repas dans un espace de 5 mètres carrés. Même s'il est à l'étroit, il propose une cuisine digne des grands restaurants. Cerise sur le gâteau, cette petite ville sous les mers a aussi sa boulangerie. Sébastien, dit la boule, 17 ans de marine, est aussi à pied d'œuvre pour servir chaque jour du pain frais et les douceurs dont tout le monde raffole. Des petits plaisirs, si importants pour le bon moral des troupes. Oui, la cuisine, c'est important. C'est là où les gens se rencontrent pour manger, hein, bien entendu. C'est le seul moment où on se côtoie vraiment tous ensemble, des marins de l'avant, de la zone avant à la zone arrière. C'est un point d'arrêt qui permet de s'évader un petit peu. Bravo. sur le pont supérieur au carré des officiers. Le commandant est servi. Vive le commandant ! Joie et bonheur. Allez, asseyez-vous. Merci. L'ambiance est plus feutrée. Tout est fait pour oublier que ces hommes vivent dans les profondeurs de l'océan. Cette pause est de courte durée pour le patron du pont, Alexandre. Il est le responsable au quotidien de la vie à bord des 80 techniciens. C'est le superintendant. Pour lui, tous ces instants ont un goût particulier, car c'est sa 17e et dernière plongée. Voilà mon bureau. C'est la cambuse. Mais il a aussi une fonction à laquelle il veille tout particulièrement. Donc ça, c'est un document très important qui est conservé par les patrons du pont, où sont recensées toutes les heures de plongée, tous les cycles, pour l'enregistrement sur le dossier militaire. Pour le jeune pilote Damien, il n'a pas encore d'heure de plongée, ça va pas tarder. Son carnet, j'espère qu'il sera aussi volumineux que celui de ses aînés. Le mien, par exemple, il est aussi épais, voilà, il est là. Il y en a quelques-uns. Je suis à 23 000. Avec cette dernière mission, il atteindra les 25 000 heures, ce qui représente 3 ans et demi passés sous les mers. Ah. Le patron, c'est un personnage de la plus haute importance. Ce sont toujours des gens de grande qualité. Ce sont des officiers mariniers anciens, qui ont de l'expérience, qui sont généralement reconnus pour leur qualité professionnelle, bien sûr, mais sociale, humaine, qui surveille le moral général de l'équipage et le moral particulier de chacun. C'est un personnage très important. Un personnage important qui doit gérer la logistique jusqu'à l'évacuation des déchets. Une lourde responsabilité. Car elle peut avoir des conséquences pour la sécurité du bâtiment. La raison est simple. Lorsque le sous-marin évacue les sacs poubelles dans la mer, une voie d'eau pourrait envahir le navire. Alors tout est minutieusement calibré. Le sas vide ordures est situé à l'avant, au niveau de la zone de vie, en fond de cale. C'est une opération sensible. Parce que par moment, on tient que sur cette porte-là. Ce sas va être le seul rempart face à la pression de l'océan. Une porte de 20 cm sur laquelle repose la vie de tout l'équipage. Du coup, la corvée de poubelle dans un sous-marin nécessite une attention toute particulière et demande la présence de l'ingénieur en chef moteur et du second. Centrale de LTO. Centrale, écoute. Monsieur de LTO, on déconsigne le SVO. Okay. Ils suivent méthodiquement la procédure étape par étape. Ouvrez la porte intérieure du SAS. Car la manipulation de cette porte est à haut risque. Vas-y, soulève. Dans quelques heures, ce sac va se dissoudre et sera au fond de l'océan avec uniquement des éléments biodégradables à l'intérieur. Tous les sacs évacués hors du sous-marin viennent de la cuisine. Épluchures et autres restes. Seuls les déchets alimentaires sont rejetés à la mer. Monsieur, ça s'équilibre. Contrôle de LTO, on demande l'autorisation d'ouvrir la porte extérieure. Vitesse lock 429, autorisation d'ouvrir la porte extérieure. Cette opération est renouvelée 2 à 3 fois par semaine. Les poubelles mobilisent tout le sous-marin, qui réduit au maximum sa vitesse et remonte légèrement pour éviter que la pression ne soit trop forte sur le sas vide ordures. Une fois cette étape effectuée, le sous-marin replonge dans l'Atlantique pour reprendre sa position stratégique. Tapis au fond des mers, il est totalement indétectable. Tout est calculé pour ne pas rompre le silence si nécessaire pour rester invisible. À tel point que les machines sont montées sur pneumatiques pour que la moindre vibration soit étouffée. Aucun bruit ne doit filtrer. Cette loi du silence doit parfois être brisée, lorsque le sous-marin rallie la surface pour sortir son périscope en toute discrétion. Pour s'y préparer, un entraînement rigoureux est exigé, car dans ce cas extrême, le sous-marin devient vulnérable. Au centre opérationnel, Camille, la chef adjointe des sonars, et Damien, le jeune pilote, vont être testés à cette manœuvre. Pour Camille, c'est un contrôle de connaissance. Pour Damien, c'est l'heure de sa 3e épreuve de qualification. Ouais, autorisation. Camille, 27 ans, est lieutenant de vaisseau. Elle entame sa deuxième plongée à un poste clé. C'est elle qui supervise les sonars et coordonne ce que l'on appelle les oreilles du sous-marin. Totalement aveugle, le bâtiment ne se déplace que par l'analyse des sons extérieurs. Par 300 mètres de fond, la lumière est inexistante. Ce sont donc eux qui scrutent les fonds marins et permettent au navire de se déplacer. Il faut être concentré et il faut comprendre bien ce qui se passe. Si un bateau arrive et me passe dessus, il y a un risque de détériorer notre bateau. Donc là, effectivement, le but, c'est que je sache exactement où sont tous les bateaux, très précisément, de manière à ne pas avoir de risque pour ma sécurité à moi. Camille est la responsable d'une équipe de 10 spécialistes. Certains sont des écouteurs et d'autres des analystes. Ils sont les yeux du bâtiment. Parmi eux, celui que l'on appelle l'oreille d'or. Le lieutenant de vaisseau Romain effectue sa quatrième plongée. C'est l'analyste en chef. Il est capable à lui seul de reconnaître plus de 800 signatures acoustiques. On doit classifier tous les bruits qu'on a sur tous les différents sonars. Donc, que ce soit des bruits mécaniques, biologiques, des bâtiments, des sous-marins. Vous pouvez même avoir des phénomènes météo comme la pluie qu'on peut entendre, ou encore même des tremblements de terre. Enfin, on doit classifier tout ce qu'on peut entendre dans l'eau, quoi. C'est un cachalot, donc c'est clic d'écolocation. Ça lui sert à repérer des proies sous l'eau. Du coup, ça fait ce bruit-là. Ce n'est pas le cachalot qui dérange le lieutenant de vaisseau, mais un navire en surface qui pourrait croiser leur route au moment de reprendre la vue. Rien de plus dans le secteur. Azimut actuel du possible pêcheur. Azimut 076. Camille doit savoir précisément de quel navire il s'agit et le cap qu'il emprunte. Est-ce qu'on adopte 352, attendez, j'en fiche. Il défile de combien? Et vous mettez 352. Allez, je remonte 70 mètres, on regarde si on le récupère en montant à 70 mètres. Camille fait appeler le Pacha. On est prêt. Elle doit faire valider ses choix tactiques. Donc ici le pêcheur qui défile les gauches. Ouais. Bah, tu le contournes. Et puis on s'éloigne de lui. Ouais. Mettre dessus. Tout à fait. La distance est posée déjà, on se rapproche pas. Ouais. Le cap pour la reprise de vue est maintenant fixé. Camille a réussi à faire en sorte que la manœuvre se passe sans encombre. C'est au tour de Damien de faire ses preuves. 70 mètres. 50 mètres. Le jeune pilote s'approche de la surface. Super, super. 21 mètres. C'est une opération délicate qui est étroitement surveillée par le second. Damien est le bras droit du Pacha. Il a fait toute sa carrière dans les forces sous-marines. La vraie difficulté pour lui, c'est de pouvoir être capable de tenir la bonne immersion tout en étant discret, donc avoir juste le périscope qui sort au-dessus de l'eau. Et tout ça dans une situation qui est un peu délicate parce qu'on a beaucoup de mer, c'est des grosses vagues. C'est bien là, c'est bien. Hop, hop, hop. C'est moins bien. Pas facile d'être barreur. Hein. Damien lutte contre les éléments, car à l'extérieur, le vent souffle et la mer est mauvaise. Il arrive à peine à maintenir le sous-marin à l'immersion demandée par le Pacha. Malgré l'adversité, il s'approche de l'immersion ordonnée. Le second peut déclencher la sortie du périscope. Silence dans le bord, on reprend la vue. Maintenant, il doit réussir à maintenir les 138 mètres et les 14 000 tonnes du sous-marin. Périscope hissé. Un défi pour le jeune pilote. Une grande partie de sa qualification se joue sur cette épreuve. Vous avez un temps donné. On perd la vue. 26 mètres. Allez, on remonte, centrale. Damien a toutes les difficultés pour stabiliser le navire juste en dessous de la surface. Une manœuvre qu'il n'avait effectuée jusqu'à maintenant que sur simulateur. Allez, on remonte, je n'ai pas la vue depuis plus de 2 minutes là. Je préfère qu'on soit légèrement trop haut. Du coup, sans vous rattraper le bateau, essayez de ne pas descendre à plus de 24 mètres. C'est pas facile, mais c'est comme ça. 25 mètres. Il a du mal à tenir l'immersion, le barreur. S'il y a de la mer, il se fait aspirer. Puis il redescend, il se fait aspirer. Dérage dans une minute. C'est comme ça qu'on apprend. 21 mètres. 20 mètres. 19 mètres. Épreuve réussie. Le jeune second maître parvient à placer parfaitement le navire. Derrière lui, le Pacha peut enfin reprendre la vue. Top début du tour. Je suis obligé d'attendre les vagues parce qu'on se prend quelques paquets là. Ok, j'ai fait un tour, j'ai rien de très proche. Bon, on est clair, on va pouvoir la descendre. Je pense qu'il a un peu sué le barreur. Si Damien, pour cet exercice, a rencontré beaucoup de difficultés, pour Camille, en revanche, c'est une réussite. La prise de vue, c'est un moment qui est très délicat. Hein. Il y a des sous-marins qui ont eu des accidents parce que les pétroliers, qui ont une coque extrêmement massive, s'ils sont dans une certaine inclinaison, la coque masque le bruit des hélices et de la propulsion. Donc on les entend pas. C'est un risque. Hein. Les gros bateaux, c'était des bateaux à risque. Hein. Et c'est arrivé que des sous-marins reprennent la vue sous un pétrolier. Bon, là, c'est très embêtant parce qu'on est coiffé en brosse. Hein. Tous les mâts sont coiffés en arrière. Et puis après ça, bon, il faut rentrer et puis expliquer voilà ce qui s'est passé. À bord du sous-marin, le vigilant, si certains ont été mis à rude épreuve, l'ambiance n'est pas la même sur tous les ponts. Il y en a qui profitent du calme et de la fraîcheur de la salle des torpilles pour s'isoler. Mais ce ne sont pas les seules distractions. Tous les dimanches, les sous-mariniers ont un rituel, la pesée du sac. 6 kilos. Ah, 102. Le maître Damien, 11 ans de service, est en charge de l'animation. 8 kilos 6. On prend les différentes valeurs de tout l'équipage et le plus proche du sac gagne le sac. Et la personne la plus loin du sac fait un tour de SVO. C'est le sas vide d'ordure. Comment on pouvait peser le sac s'il vous plaît? Allez, une petite pesée du sac. Ça me rappelle les haltères, mais il faut que je me rappelle à combien ça faisait. Ah, ça doit faire un petit 7 kilos 850. C'est super important pour le moral de l'équipage. Il y a des tournois de palais, il y a des concours de cartes. On fait même du nerf aussi. Les pistolets à une fléchette en mousse. Même le chef de la division entraînement n'y coupe pas. Non, j'ai pas envie de faire un tour de SVO quand même, donc voilà. Ouais, je sais pas, je veux dire 8 kilos 100. 8 kilos 100. 6 kilos 125. Allez, je vais annoncer la bonne nouvelle au gagnant. Le gagnant remporte le contenu du sac. Mug, bonbons et t-shirts. Des lots qui changent chaque semaine. Des petites attentions qui rompent l'isolement de ces hommes coupés du reste du monde. Ils n'ont pas d'internet, pas de télé, pas de téléphone. D'où l'importance de ces moments de cohésion. Communication, distraction. Le résultat de la pesée du sac. Le gagnant du SVO est le second maître pour une pesée estimée à 11 kg 500. Félicitations. Fin de communication. Merci. Bonne pluie. Damien est le grand perdant. Demain, ce sera son tour d'évacuer les poubelles. Pour l'heure, il rejoint ses quartiers. Il les partage avec 3 autres sous-mariniers dans une étroite intimité. Son lit, sa banette, ne mesure qu'1m90 de longueur sur 80 cm de largeur. C'est le seul espace où il peut s'isoler au rythme des relais au poste de pilotage. Il est 20h à la surface, le soleil est en train de décliner. À bord, la lumière passe au rouge et marque la nuit pour permettre aux hommes de ne pas perdre leurs repères. Au niveau du pont supérieur, dans l'espace réservé aux officiers, le calme règne. Le commandant est un des seuls à avoir sa propre cabine. Entre 2 exercices, il s'assure de la bonne marche du navire. C'est une grande cabine, hein, au moins 3-4 mètres carrés. Non, c'est la plus grande du bord, où on est seul, donc j'ai beaucoup, beaucoup de chance par rapport aux autres. C'est ma chambre, mon cabinet de toilette, mon bureau, mes coffres avec tous les documents classifiés. Voilà. Tout est tout pareil, le carré juste à côté, le central opération à 3 mètres. Donc je suis proche de tout, mais ouais, c'est pas très grand, quoi. Mais là, c'est la coursive des, ce qu'on appelle les 4C. Le commandant, le second, le chef machine et le chef opération. On est tous dans la même coursive, donc s'il y a besoin, je penche la tête et on parle, donc c'est pratique. Tapis dans le fond des abysses, le vigilant avec ses 110 marins poursuit sa route quelque part dans l'Atlantique. Au petit matin, la fatigue commence à se faire ressentir. L'équipage doit redoubler d'efforts et tout donner pour cette ultime journée de test. Pour commencer, ce sont les 3 pilotes qui vont passer leur qualification. Ils doivent effectuer le scénario prévu par le Pacha. Pour ce test, le Pacha met à l'épreuve la réactivité des pilotes avec une manœuvre tactique utilisée en cas d'urgence pour échapper à d'éventuels bateaux ennemis. Cette opération consiste à passer de moins 300 mètres à moins 150 mètres à très grande vitesse, avec un angle de 20 degrés. Donc il faut rapidement rallier le domaine d'immersion qui a été ordonné. L'exercice démarre avec Cyril, le plus expérimenté, sous les yeux attentifs des deux jeunes pilotes. Quand on fait cet exercice machine en faisant bouger le bateau à forte vitesse, gauche-droite, montée-descendre, là on va le faire un peu plus vite pour qu'il voit que ça agit encore plus vite et qu'il faut contrer beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc on va mettre le barreur le plus expérimenté d'abord pour qu'il voit ce que ça donne et puis les deux jeunes après on va faire passer. Donc là on va les pousser un petit peu plus. À la barre, même à grande vitesse et avec de grandes dénivellations, la navigation de Cyril reste fluide. Un changement de barreur. Qui est la relève de barre. C'est au tour d'Emeric. Il fait plonger pour la première fois le sous-marin avec 16 missiles et 110 membres d'équipage. Et là, les conséquences n'ont rien à voir avec un simulateur. Je pensais pas l'avoir celui-là. C'était short, mais je pensais pas l'avoir. Ok, auto-débrief. J'ai sélectionné la barre avant seule. C'est un peu ce qu'on m'avait dit à l'école et j'ai essayé de la mettre tout à contrée pour freiner ma VA. Et j'ai vraiment senti que le bateau naturellement se freinait. Ouais. Ça me paraît clair. Effectivement, j'ai pensé que vous alliez dépasser les 150 mètres bien les heures plus tardées puisque vous avez tardé à pousser sur la barre avant. Ok, changement de barreur. Damien prend place, c'est sa dernière épreuve. Après les difficultés rencontrées par son camarade, la pression est énorme. L'épreuve commence. Le jeune barreur pousse le sous-marin à grande vitesse dans les profondeurs. Il le fait piquer rapidement sous l'œil du commandant. Il maîtrise parfaitement cette manœuvre délicate et son style n'échappe à personne. Il impressionne tout l'équipage. Épreuve réussie haut la main. Il parvient même à détrôner le pilote le plus expérimenté. C'est très bien fait. On a un score de plus 6. On est passé de 147 à 153, ou plutôt de 153 à 147. Donc c'est excellent. C'est de très bon augure, parce qu'on sait qu'on va pouvoir compter sur un barreur comme lui pour échapper à une frégate, pour rallier rapidement une zone. On sait qu'on va pouvoir être exigeant vis-à-vis du bateau et qu'on va pouvoir exploiter le bateau 150 mètres, plus 5. Dans toutes ses capacités. J'aurais été très calme, donc c'est ça que le métier de pilote me plaît. Hein. Damien a marqué les esprits. Mais dans quelques heures, une épreuve qualificative encore plus délicate va mobiliser tout l'équipage. En attendant, à l'autre bout du sous-marin, pour se détendre, certains se retrouvent au gymnase. Un bout de coursive, le plus large de tout le bâtiment, coincé entre les deux soutes de missiles. Le seul espace où les sous-mariniers peuvent se défouler. Moins de 5 mètres carrés. Je lâche, tu peux lâcher. Alors difficile pour les fans de boxe comme Laurent, 19 ans de marine, de poser son sac. Astucieux, il le place entre deux moteurs. On élimine tous les bons desserts, tous les bons repas qu'on a le midi. Donc c'est pour ça que faire des petites séances comme ça, trois quarts d'heure, une heure par jour, c'est pas super fluide. Vivre sous l'eau, plonger, faire surface, vivre dans un espace confiné, je pense que c'est quand même assez exceptionnel. On est des gens communs qui avons des expériences, des qualifications, des mentions qui nous permettent de faire un métier extraordinaire. L'heure du test de la mise à feu des missiles nucléaires sonne pour tous les membres de l'équipage. Cette épreuve annonce le scénario catastrophe que tout le monde redoute, mais auquel chacun doit se préparer. On rappelle au poste de combat. Au poste de combat stratégique, au poste de combat stratégique. Rendez compte de l'appel au poste de combat stratégique. En mission, cette procédure de mise à feu est répétée au moins deux fois par semaine, de jour comme de nuit. Si l'ordre leur était donné, ils devraient mettre tout en œuvre pour la mener à bien. Pour cette phase de tir, l'équipage se tient prêt à intervenir pour contrer toutes les avaries lors du lancement. Dernière vérification pour les missiliers. Les soutes se referment et la zone est maintenant condamnée. Tous les ponts sont en alerte maximale. Le commandant est confiné au centre opérationnel et prend alors le contrôle des missiles. La division entraînement scrute les moindres gestes et les temps de réaction de chacun des membres en poste au centre opérationnel. Le bon déroulement de cet exercice est primordial pour leur qualification. Compte-rendu d'IC à la cellule MACOPS. Compte-rendu d'IC à la cellule MACOPS. Toute zone. C'est la configuration la plus délicate, mais c'est aussi le but ultime. C'est la mission de la dissuasion. Hein. C'est vraiment là, ce poste de combat stratégique, c'est vraiment le cœur de la mission. On n'aurait pas d'alarme. Si le commandant décide, on lancera nos armes. Dans la réalité, seul le président de la République peut donner l'ordre au commandant de passer à cette phase ultime. Le sous-marin, à partir de ce moment-là, devrait couper toute communication, toute relation avec l'extérieur. Une fois que l'ordre est arrivé, on ne revient pas en arrière. Et si on reçoit un contre-ordre une demi-heure après, disant « non, bon, annulé, finalement, on a fait la paix avec notre adversaire », non, une fois que l'ordre est donné, c'est irréversible. J'espère que ça arrivera jamais, parce que si ça arrive, c'est que tout le reste a échoué. Le conventionnel, la diplomatie, tout le reste. Donc, c'est une grosse responsabilité, ouais, parce qu'on est vraiment le dernier maillon pour faire en sorte que soit arrêter la guerre tout de suite, soit ne pas la déclencher. Et c'est toujours manuel. Le président me donnera l'ordre, mais on ne veut pas un système automatique, parce qu'on veut pouvoir prendre en compte certaines variables. Quelqu'un qui voudrait nous empêcher de le faire ou autre, la machine ne serait pas capable de décider ça tout seul, en tout cas pour le moment. Quand on pense au poids de la responsabilité du pacha d'un sous-marin, c'est terrifiant, mais la responsabilité numéro un, c'est celle du chef de l'État. C'est lui qui dit « on n'a plus le choix, on est en danger vital, donc il faut passer à l'acte ». Donc tout président français, tout chef de l'État dans le monde qui dispose de l'arme nucléaire, a ça en tête, en fait. Il vit avec ça. Je pense pas qu'il y ait une seule journée où ça puisse lui sortir de l'esprit. Le chef missilier Arnaud, lieutenant de vaisseau, a la lourde charge d'armer le système de tir des missiles nucléaires. Commandant, nous sommes parés pour le lancement. À tous, on passe en phase lancement. Phase lancement. C'est tir de PCM pour contact. Avec l'arme de PCM. Commandant, saisis du code plan. Début de la séquence de lancement. C'est bon. Top point initial, chef de car. Reçu. Mettez ça, là. Donc là, on a saisi les cibles sur lesquelles on va taper. Sur ordre du président, on va simuler un lancement de 16 missiles, donc la charge complète du SNLE. L'activation de tous les missiles permet à l'équipage de contrôler le bon fonctionnement de toute la chaîne de tir au complet. Les dégâts causés par l'intégralité de la force de frappe d'un tel bâtiment seraient inimaginables. Une telle puissance pourrait faire disparaître le quart de la population de l'Europe. Ok. Le Pacha détient les clés de la force de frappe nucléaire. Elle déverrouille la dernière étape de la procédure de tir. Je vais devoir rentrer là. L'ordre du président, donc il va falloir que je déverrouille le système, mais là on va pas pouvoir filmer parce que c'est confidentiel. Sous phase 2, tube 12. Sous phase 2, tube 15. Les tirs de PCM bien fusés, ils veulent effectivement sur les 4 cartes. Reçu. Vu de l'extérieur, ça peut paraître un jeu de rôle, c'est un Wargames. Dans un certain sens, oui. C'est un jeu de guerre, sauf que dans la réalité, c'est pas un jeu, quoi. Et on s'entraîne pour ça, et ils sont tous prêts à donner leur vie, si besoin, pour l'accomplissement de la mission. C'est un peu l'essence même du militaire. Tir terminé, 16 missiles partis, liberté d'immersion jusqu'à 70 mètres. Toute la chaîne rejoindra le civil et gardera en mémoire toutes ces années passées au fond des océans. Quant au commandant, il a obtenu la qualification pour tout son équipage avec la mention « très bien ». Il sait qu'il va pouvoir compter sur ses sous-mariniers pour assurer l'une des missions les plus importantes de la Ve République, incarner cette force de dissuasion nucléaire. Le vigilant va continuer sa mission,

Dorme un petit quinquin, un petit pouchin, un gros rogin. T'en feras du chagrin si t'en dors point jusqu'à demain. Je m'appelle Antoine Duval. Je suis un Français moyen. J'ai 40 ans, je mesure 1m70, je pèse 80 kilos. Je suis fonctionnaire, je suis marié, j'ai 2 enfants. J'habite un appartement de 3 pièces que j'ai obtenu grâce au crédit foncier. J'ai souscrit une police d'assurance vie. Je possède la télévision équipée 2e chaîne, j'ai un compteur bleu et tous mes meubles portent l'estampille NF. Je n'aime que la cuisine au beurre. Je mange du pain d'épices. Quand je fais cuire des nouilles à la semoule de blé dur, je les goûte. Je les goûte souvent. Je bois de la chicorée. Je fais régulièrement la cure orange. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portions. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde. RMC, faut-il interdire les SUV? C'est l'association WWF qui demande au gouvernement d'agir contre ces grosses voitures qui ressemblent à des 4x4, qui représentent 1 vente sur 2 à Paris, énormément dans le reste du pays. On en voit partout dans les rues, mais ces SUV consomment 15 fois plus de carburant que les autres voitures. Marie Régnier avec Marini Notman. Son gros SUV bleu marine, Anne retraitée, ne lui trouve que des qualités. C'est large pour transporter des gamins. On est haut, moi je trouve ça très agréable. Une grosse voiture, lourde, puissante et donc plus polluante, Anne n'est pas convaincue. Maintenant, ils font quand même des gros progrès à ce niveau-là. Hein. On a des systèmes anti-pollution. Enfin, il semblerait que ça pollue moins qu'à une époque. Hein. David, lui, est bien conscient de l'impact écologique de son SUV, mais il assume. Je trouve qu'il y a d'autres choses à faire avant de taper sur l'automobiliste. Ça fait partie aussi du côté plaisir, je trouve. De laisser les gens se tourner vers ce qu'ils souhaitent, en fait. Un plaisir loin d'être vertueux, car même si votre SUV est hybride ou électrique, il reste très polluant. Pierre Canet est directeur du plaidoyer du WWF. Ce qui pèse beaucoup pour les véhicules électriques, c'est la fabrication de la batterie. Donc si c'est pour remplacer des véhicules légers par des véhicules lourds SUV motorisés en électrique, malheureusement, ça ne résout pas la question climatique. Donc l'orientation absolue qui doit être donnée, c'est une mobilité vers des véhicules plus légers, moins puissants. L'association plaide donc pour une taxe qui prenne en compte non seulement les émissions de CO2, mais aussi et surtout le poids du véhicule. Si tu t'en irais, si tu me laisserais seul au monde, des fois que t'aurais eu connu quelqu'un que t'aimerais encore mieux. Si tu t'en irais, si tu serais plus ma blonde, si des fois tu m'aimerais plus, ah qu'est-ce que je serais malheureux. Car depuis le jour où tu m'as dit que tu m'aimais, moi je suis fou de toi. Et si des fois tu m'aimerais plus autant, y aurait quelque chose du zèle au fond de moi. Si tu t'en irais, si t'abandonnerais ma vie, si tu voudrais t'en aller dans les bras d'un autre cœur. Si tu t'en irais, laissant nos âmes désunies, si tu tenterais d'oublier, je ne ferais que verser des pleurs. Car depuis l'instant de l'heure où nous fûmes amoureux, moi j'hume, hecte mes yeux de joie, mes larmes, loin des alarmes, coulant d'un charme voluptueux. Je crois bien que je mourirais si un jour tu t'en irais. L'abbé Zoumina va maintenant vous parler de son expérience auprès

Une petite revue de presse, bon, si vous y tenez, hein, parce que payer un abonnement, c'est pas forcément une nécessité. Vosges, au moins 24 communes contaminées par des résidus de pesticides. Au moins 24 communes contaminées par des résidus de pesticides. Alors c'était le Vosges Matin du mardi 4 juillet 2023. Depuis, on n'en a plus parlé, sauf que il y a peut-être un problème à Eloi maintenant et ailleurs. Quelle est la recette des révoltes de Paris et d'ailleurs? Ingrédients. Alors, je passe à un certain nombre de détails. 2 tasses de pauvreté et de privation. 1 tasse de système éducatif défaillant. Quelques tranches d'austérité. 200 grammes de salaire trop bas. 2 tasses de chômage, 2 tasses de chômage, vous avez bien entendu, chères auditrices, chers auditeurs, chères électrices, chers électeurs, le chômage, c'est le problème numéro 1 de la société française. Eh oui, les radios, les télés, etc., ont ordre de ne pas parler du chômage, parce que ça pourrait être très dangereux pour les gouvernants qui sont au pouvoir. Ça pourrait. Eh oui, en Allemagne, 1923-1933, ça a été l'arrivée du nazisme au pouvoir et la Deuxième Guerre mondiale. Donc le chômage, c'est quelque chose de très dangereux. Il faut réagir efficacement, rapidement et assez brutalement, si possible, pour que ça soit efficace. Eh oui, 3 cuillerées de rêves brisés, 2 grosses cuillerées de racisme et de discrimination, 250 grammes de harcèlement et de brutalité policière. Voilà, les recettes pour que ça... Enfin bref, passons. Samedi 8 juillet, 14h30, rassemblement citoyen devant la préfecture d'Épinal. Ah, vous n'avez pas su. Communiqué unitaire, notre pays est en deuil et en colère. Notre pays est en deuil et en colère. Alors, je passe sur les quelques lignes parce que le 8 juillet est quand même dépassé maintenant. L'abandon de ces populations de quartier est aggravé par le contexte économique, d'appauvrissement, d'inflation, de hausse des loyers, des prix de l'énergie et de la réforme de l'assurance chômage. Les inégalités sociales touchent particulièrement les enfants et les mères isolées. C'est ce que montrent les révoltes qui ont secoué les quartiers populaires depuis quelques jours en réaction à la tragédie de Nanterre. Le chômage. Si on n'agit pas, on ne réagit pas contre le chômage, on est complice du système en place. On sera complice de toutes les conséquences. C'est-à-dire que si l'extrême droite arrive au pouvoir et fait des choses que l'on n'aurait pas souhaitées, bien sûr, eh bien, on aura une partie de responsabilité. On. Indéfini, hein. Je n'ai pas dit nous. J'ai dit on. Meurthe-et-Moselle, Nancy, un médecin tabassé à Gentilly, un droit d'alerte émis. Un médecin en exercice à l'hôpital privé Nancy-Lorraine, ex-polyclinique Gentilly, a été violemment agressé samedi 1er juillet vers 13h15 au sein de l'établissement. Le pneumologue recevait ce jour-là la famille d'un patient âgé de 40 ans qui venait de décéder dans le service de médecine des suites d'une grave maladie évolutive. Voilà. Alors, une enquête de police est en cours pour ce qui relève de ces violences sur personnes dépositaires d'un service public. Alors, service public, c'est barré au crayon et en dessous, c'est marqué « clinique privée ». Clinique privée. Eh oui. Pourquoi l'OTAN se refuse à l'Ukraine? Le sommet de l'OTAN réuni à Vilnius mardi et mercredi ne débouchera pas sur l'adhésion de l'Ukraine, mais sur un engagement de la soutenir sur le long terme face à la Russie. Joe Biden a été clair dimanche sur la chaîne américaine. Alors dimanche, c'était le 11 juillet, hein. Sur la chaîne américaine CNN, je ne pense pas que l'Ukraine soit prête à faire partie de l'OTAN. Pourquoi? Nous serions, pourquoi, point d'interrogation, ouvrons les guillemets, nous serions en guerre contre la Russie si c'était le cas. Et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, créée en 1949 à la demande des Européens confrontés à la menace soviétique, repose sur le principe de la solidarité militaire. Attaquer l'un des membres revient à les attaquer tous, selon l'article 5 du traité. Voilà. Alors, Espagne 86, quelques 86 migrants venus de pays d'Afrique subsaharienne ont été secourus lundi à bord d'une embarcation au large des Canaries. Un avion envoyé par les sauveteurs a initialement estimé que le nombre de personnes à bord de cette embarcation partie du Sénégal pouvait être d'environ 200. 86, 200. Bon. La situation restait confuse lundi soir, les autorités n'étant pas en mesure d'indiquer si une autre embarcation était à la dérive dans la même zone. Un peu plus loin, Russie, Vladimir Poutine a rencontré Evgeny Prigojine après la rébellion avortée de Wagner. Oh, cette rébellion avortée, est-ce que c'était pas encore une comédie à la façon des deux Lascar en question et à la façon des politiciens en général qui souvent nous jouent la comédie à nous autres pauvres citoyens, pauvres électeurs que l'on mène par le bout du nez, hein? Eh oui, on nous a mis un anneau dans le nez, une ficelle dans l'anneau et on tire la ficelle. Ben oui. Canicule, plus de 660 000 décès. Pas 600, 60 000 décès enregistrés en 2022. Eh oui, l'État épingle pour son recours épinglé. Eh non, c'est l'État qui épingle d'habitude, mais là, l'État est épinglé pour son recours au cabinet de conseil privé. Plus d'un an après le rapport au vitriol du Sénat qui avait qualifié le phénomène tentaculaire, les missions confiées par l'État au cabinet privé, les sages ont rendu leur rapport sur le sujet. Il n'est pas tendre. La Cour constate qu'entre 2017 et 2021, les dépenses de conseil de l'État ont triplé. Elles ont même été multipliées par plus de 20 depuis 2014, passant de 11 à plus de 230 millions d'euros. Hors conseil et stratégie en informatique, s'il reconnaît un point d'inflexion incontestable, le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, Pierre Moscovici met en garde contre les mauvaises habitudes. Et oui, Macron qui demande conseil à des cabinets privés qu'il finance avec notre argent. Alors premièrement, des cabinets privés pour conseiller l'État, c'est quelque chose qui est assez moche, et même très moche. Et puis, Bosch a écrit l'autre. Non, c'est pas Bosch, c'est moche. Hein, c'est, faut pas tout mélanger. Allons. Hein, streng verboten. Alors, voilà, donc, Cour des comptes. L'État épinglé pour son recours au cabinet de conseil privé. C'est les cabinets de conseil qui gouvernent la France, pas les électeurs. Les cabinets de conseil d'origine un tout petit peu étrangère, hein. Ah ouais, ils sont un peu anglophones. Ah oui, eh oui. McKinsey, Unzerweiter. La chute de Berlin marque la fin du régime nazi. La liberté de l'Est du jeudi 4 mai 1945. Ah, c'est la vieille histoire ça, hein. C'est la vieille histoire. La roue a fait un tour. Elle est en train de revenir quasiment à son point de départ. Hein, point de départ, bon, voilà. Eva Jolie, Julien Assange, se meurt en prison pour avoir rendu public des crimes de guerre. L'ex-magistrate dénonce le silence des médias sur les conditions de détention du lanceur d'alerte qui menace sa santé. Tribune, c'est en 2010, en collaboration avec un site dénommé Wikileaks, fondé par Julian Assange, les journaux parmi les plus prestigieux d'Europe et du monde publiaient une longue série de révélations sur les guerres alors menées en Afghanistan et en Irak par les États-Unis et leurs alliés. Les guerres menées en Afghanistan et en Irak par les États-Unis et leurs alliés. Du New York Times au Spiegel, en passant par The Guardian, El País ou Le Monde, nombreux sont les médias dits de référence qui s'emparèrent des documents secrets de l'armée américaine obtenus par le site. Ils furent classés, analysés et publiés tant il devenait urgent d'avertir l'opinion mondiale des dérives et des exactions qui avaient été commises pendant ces guerres menées au nom de la démocratie, après les attentats du 11 septembre 2001. À la fin de cette année 2010, Le Monde attribuait d'ailleurs à Julian Assange le titre de personnalité de l'année. Le Monde, le journal Le Monde, attribuait à Julian Assange le titre de personnalité de l'année. Près de 10 ans ont passé. Julian Assange est à l'isolement à la prison de Belmarsh au Royaume-Uni. Cette prison est connue pour héberger de nombreux terroristes et est souvent décrite comme la version britannique de Guantanamo. En novembre, une soixantaine de médecins internationaux ont tenté d'alerter le monde sur l'état de santé physique et psychologique de Julian Assange. Ils envisagent sérieusement qu'il puisse mourir en prison. Mourir en prison. Et depuis, quel silence. Quel manque de réaction de la part de la presse mondiale qui a leur relayé l'information sans s'y arrêter, après avoir abondamment utilisé les révélations que lui avait apportées ce même Assange et son équipe sur les abus et les crimes de guerre commis par les alliés en Irak et en Afghanistan. Crimes de guerre commis par les alliés en Irak et en Afghanistan. Cruelle ironie, il y a pourtant un lien évident de cause à effet. Julian Assange se meurt en prison pour avoir rendu public ses crimes de guerre, pour nous avoir permis d'être informés.